Qu'est-ce qui me motive à continuer malgré tous les défis? C'est parce que je considère le travail qui est fait pour le droit de l'homme. Je prends l'image du jour et de la nuit. Ce qui me fait espérer lorsque je suis devant dans la nuit, c'est de m'imaginer que une lumière va apparaître pour chasser la nuit. Et chaque nuit, vous dormez avec beaucoup d'espoir que le jour va se lever pour que vous repreniez votre vie normale. Ainsi donc, chaque action que fait un défenseur de droits de l'homme, c'est comme une lumière allumée dans les ténèbres. Et l'objectif, c'est que finalement, ces lumières viennent changer et viennent chasser définitivement les ténèbres. Je veux donc dire que mon encouragement, c'est toutes ces lumières qui, à travers le monde, se dressent dans les ténèbres, sont allumées par chacun de défenseurs de droits de l'homme, où qu'il soit, pour que exactement le ténèbre de violation dans lequel gît le monde aujourd'hui puisse un jour disparaître et qu'enfin le droit de l'homme soit vécu comme une réalité.